Anne. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Des enseignants d'Ngozi accusent le fonds logement pour enseignants d'avoir changé à leur insu le contrat qui les lie, surtout en ce qui concerne le début de remboursement de leur épargne. Vous l'entendrez. Deux personnes ont été tuées ce jeudi sur la colline Buramata, commune Guianga de la province Bubanza. Il s'agit de deux bandits, comme le confirme le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Et une vingtaine de jeunes diplômés chômeurs de la zone Kivyuka, en commune Musigati de la province Bubanza, ont créé une coopérative de transformation de l'huile de palme. Reportage sur place avec Vestine Boutoyi. Dans ce journal également, on aura une analyse d'un journaliste sportif sur le comportement de certaines équipes à l'étape où en est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 aujourd'hui, notamment celle de l'Afrique noire qui sont qualifiées pour les demi-finales et bien sûr le Madagascar. Voilà pour les sommaires. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Grogne des enseignants d'Ngozi affiliés au fonds logement pour enseignants. Ils s'inscrivent en faux contre la décision prise à leur insu pour le remboursement de leur épargne à l'âge de la retraite, alors qu'ils ont signé un contrat fixe à leur remboursement après 5 ans d'adhésion. Le président du conseil d'administration de ce fonds déclare que cette question trouvera une réponse définitive la semaine prochaine en Assemblée générale. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Emmanuel Ndayishimiye est un enseignant à l'école fondamentale Ngozi 3, membre de son fonds logement pour enseignants depuis janvier 2011. Il a adressé une demande en juillet 2018 au gérant pour qu'il ait son épargne mensuelle de 5 000 francs sans succès. Lui, avec ses confrères enseignants aux autres établissements secondaires, disent avoir téléphoné le siège. La réponse, selon eux, a été que cette épargne sera versée après avoir atteint l'âge de la retraite et non après 5 ans ou 7 ans normalement prévu. Ces enseignants ont cessé de dénoncer cette décision prise sans leur avis en se présentant chez le représentant provincial du syndicat des enseignants CONAPES. Ils demandent le remboursement de leurs dus conformément au contrat signé. Ces enseignants affiliés au fonds logement pour enseignants souhaitent le même traitement car selon eux, il y en a qui ont déjà vu cette épargne sur leur compte. Le président du conseil d'administration de ce fonds, Victor Ndaba Aniwe, indique que ce problème sera traité la semaine prochaine lors d'une assemblée générale des représentants des syndicats membres du fonds logement pour enseignants d'Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Deux personnes ont été tuées par des policiers ce jeudi sur la colline Buramata, commune Guianga de la province Bubanza, comme le confirme le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Pierre Ngourikiye déclare qu'il s'agit de deux bandits faisant partie d'un groupe qui a attaqué une position policière sur la colline Mutara de la commune Mutimbuzi. C'était au mois de mars cette année. Il ajoute que ces deux bandits ont été abattus parce que l'un d'entre eux voulait tirer sur les policiers. Les détails dans cette correspondance de Space Caritas Cabagnana. C'est vers 11h de ce jeudi que des tirs nourris ont été entendus sur la colline Buramata, tout près de la colline Ndavabusongo, dans la commune de Guihanga. Deux personnes ont été abattues par les policiers, des personnes accusées d'appartenir à un groupe de bandits selon des sources policières. Bigirimana Renova et Ndayisaba Hippolyte sont également accusés d'appartenir à un groupe de bandits qui ont attaqué une position policière sur la colline de Mutara, dans la commune de Mutimbuzi. C'était au mois de mars cette année et à ce moment, deux policiers ont été tués et leurs fusils ont été emportés par les agresseurs selon les enquêtes effectuées, comme le souligne Pierre Ngourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Ce jeudi matin, Bigirimana Renova, habitant à Gatunguru dans la commune de Mutimbuzi, et Ndayisaba Hippolyte, habitant à Kinama dans Bujumbura Mairie, avaient été interpellés pour des enquêtes et arrivés sur la colline Buramata où ils allaient montrer où ils ont caché un fusil selon des sources policières. L'un d'eux a tenté de tirer sur les policiers qui ont tout de suite tiré sur ces deux hommes qui sont morts sur le champ selon la même source. Ce fusil a été saisi et la semaine passée, deux autres fusils avaient été saisis. La police dit avoir démantelé tout ce groupe de bandits. Space Caritas Kabanyana, Buanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Toujours dans les nouvelles de Provence, les statistiques montrent que le nombre de malades de malaria ont chuté au cours de ce mois de juillet. Le médecin provincial de Karoussi, Dr Leonidas Nzisewira, dit qu'au cours de la semaine passée, on a enregistré 10 000 cas de malaria la semaine précédente 17 000 cas, alors que la semaine du début du mois de juin, on avait enregistré plus de 22 000 cas. Il dit que les activités de lutte contre cette maladie restent de rigueur dans la province pour continuer à rabaisser ses effectifs de malades de malaria. Blaise Pascal Kararoumi. Les statistiques du Bureau provincial de santé de Karoussi montrent que les effectifs des malades de la malaria évoluent en diminution, indique le médecin provincial. Dr Lewandas Nzisabila mentionne qu'au cours de la semaine passée, la 27e semaine de cette année 2019, le Bureau provincial a enregistré 10 051 malades de la malaria et la semaine précédente, la 26e semaine de l'année, il a enregistré 17 000 malades. C'est au moment où, au début du mois de juin passé, à la 22e semaine, on a enregistré 22 653 Palidéens en effectif qui les avait effrayés, signale le médecin provincial. Dr Lewandas Nzisabira indiquait que les chiffres ont commencé à monter dès le début de cette année 2019, les effectifs commençant à doubler. Il fait savoir que de là, et particulièrement depuis avril, les effectifs sont allés jusqu'à tripler et que plusieurs mesures ont été arrêtées avec tous les partenaires. Il cite notamment des campagnes de sensibilisation avec tous les leaders de la communauté, organisation des cliniques mobiles dans les localités les plus touchées et les communiqués qui ont été lancés dans toutes les églises. Il fait savoir que les mêmes stratégies utilisées restent toujours en vigueur afin de voir s'il y a moyen de continuer à faire chuter ces effectifs au niveau de toute la province sanitaire. Il signale que les médicaments antipalidéens sont disponibles et suffisants dans les structures de santé de la province. Il demande à toute personne attrapée de se diriger directement vers les structures de santé au lieu d'attendre. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Les habitants de la colline Karama en zone rurale de la commune Mutimbuzi, c'est dans la province de Bujumbura, souffrent du manque d'eau et affirment que cette denrée ne peut plus couler dans les robinets deux jours de suite. Laurent Himirangeza, le chef de la colline Karama, dit avoir transmis le rapport aux autorités hiérarchiques. Reportage, Aimé Richard Niyonguru. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait de l'eau suffisamment, mais ces habitants de Karama, de la zone de Rubirizi, commune Mutimbuzi, en province Bujumbura, disaient que ça fait un beau bout de temps qu'ils sont alimentés à l'eau en quantité insuffisante. Ils précisaient que quand bien même elle apparaît, elle ne peut pas durer deux jours d'affilée. Il y a deux semaines que nous avons cette pénurie d'eau dans les ménages. Mais si nous essayons de demander la cause de cette pénurie, on dit que c'est à cause des multitudes de ménages qui sont en train de se multiplier ici dans le quartier. Ils craignent des maladies, des mains sales. Vous voyez, l'été a déjà commencé, les enfants sont en vacances. Nous craignons des maladies des mains sales causées par cette manque d'eau. Laurent Nimirangeza, l'assistant du chef de colline Karama, nous sommes dans la zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura, dit avoir soumis la question aux instances hiérarchiques. Il demande à ces derniers de multiplier les robinets publics pour sa population. Ces habitants de la colline Karama, zone Rubirizi, de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura disent que cette situation est inhabituelle dans leur localité car, disent-ils, jadis leur robinet public servait de secours pour leurs voisins des quartiers limitrophes comme Kamenge en cas de rupture de l'eau de la régie des eaux. Merci Richard. Et à l'Agence burundaise de l'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, l'on indique qu'ils sont au courant de cette situation et que d'ici la fin du mois d'août, ce problème de pénurie d'eau à Karama sera résolu. C'est Apollinaire Cindy Heboura, directeur général de cette agence, qui confirme en précisant que d'ores et déjà, des travaux préliminaires, dont la bonne gestion du délestage, sont en cours. Suivez-le, il est toujours au micro de Richard Niyonguru. Oui, nous sommes au courant de cette situation. C'est une situation qui prévalait jusque la semaine dernière. Les équipes techniques chargées de la gestion directe du réseau qui alimente Karama est sur terrain pour veiller à ce que cette situation soit maîtrisée. À l'heure où je vous parle, je suis informé que l'eau est disponible. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de chercher comment, en collaboration avec les gestionnaires directs, comment renforcer le débit du réseau. Et les travaux vont bon train et nous espérons les terminer d'ici fin le mois d'août. aujourd'hui vous pouvez rassurer à ce que cette population de Karama puisse avoir de l'eau en abondance comme il était une fois? Dans le cas précis de Karama, on ne peut pas parler du tarissement des sources, mais d'une diminution du débit qui est liée bien sûr à la saison sèche, mais qui ne peut pas être une raison de paniquer parce que les équipes techniques sont sur terrain et nous maîtrisons de plus en plus la situation. Jusqu'à quand vous pouvez rassurer? Pour l'existant, le débit qui existe, nous allons essayer de gérer de plus en plus mieux le délestage. Mais quant aux travaux de renforcement du débit, nous attendons à les clôturer avant la fin du mois d'août. C'était Apollinaire Cindy Ehoura, directeur général de l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le Conseil interconfessionnel du Burundi, conseil aux leaders politiques de la société civile, religieux, jeunes et femmes, d'habituer les gens qu'ils représentent à vivre dans la cohésion sociale et éviter de recourir à la violence dans le règlement d'éventuels conflits à l'approche des élections de 2020 au Burundi. Au terme d'une réunion que ce conseil a tenue ce jeudi à Rumonge, Isidore Hakizimana, secrétaire exécutif de ce conseil, dit que la divergence politique ne devrait nullement être source de conflit. Ces politiques sont d'accord avec lui. Reportage Jean-Pierre Misago. Selon Isidore Hakizimana, secrétaire exécutif du Conseil interconfessionnel du Burundi CICB en sigle, des élections doivent avoir lieu en démocratie et ne devraient inquiéter personne. Par ailleurs, les divergences politiques ne signifient pas se rentrer dedans. Alors que l'on s'achemine vers les élections de 2020 au Burundi, Isidore Hakizimana voudrait que les leaders communautaires aident les gens à résoudre pacifiquement leurs différends. Ceux qui ont réussi, ce n'est pas pour eux seulement, ils représentent les autres et ils doivent essayer, pendant cette période où on s'achemine vers la période électorale, maintenir la cohésion sociale, maintenir la paix, aider les gens à se réconcilier, aider les gens à trouver des solutions à des problèmes sans forcément passer par la violence. Du côté des participants, dans cette session de dialogue et de médiation tenue à Rumonge ce jeudi, elle vient à point nommé, comme le dit Samuel Manirakiza, représentant communal du CNDD à Rumonge. C'est une formation qui vient de nous parvenir au moment opportun. Avec cette formation, nous sommes très concernés parce que si une fois surgirait une situation problématique, nous serons prêts à pouvoir agir en guise de médiateur. Même son de cloche chez Marc Nahonghulié, représentant provincial de l'association pour la consolidation de la paix au Burundi, ACOPA Burundi, une association de la société civile. Nous avons été beaucoup outillés en matière de médiation. Nous allons utiliser une communication non violente pour en fait apaiser les esprits de quelques-uns qui, à un moment donné, seront éveillés par ce qui provient des élections. Le projet « Combattre la radicalisation et la violence politique et religieuse » du CICB opère dans quatre provinces du Burundi, à savoir Rumonge, Muyinga, Bujumbura Meri et Bujumbura dit rural. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On parle maintenant football et l'actualité du football africain, c'est bien sûr la CAN et la qualification en demi-finale de la CAN 2019 pour les deux pays de l'Afrique noire, le Sénégal et le Nigeria, montre que le football évolue bien dans ces pays. C'est l'analyse de notre confrère Balen Haviarimana, journaliste sportif, qui suit de près ces compétitions qui se déroulent en Égypte. Il estime que la défaite de Madagascar par 3-0 face à la Tunisie, et c'était hier, est due à la fatigue des joueurs de cette sélection malgache, arrivée pour la première fois à ce stade de la compétition. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianengenakoumana. Dans le dernier carré, nous avons des pays d'Afrique noire, le Sénégal et le Nigeria. Et puis nous avons des pays maghrébins, la Tunisie et l'Algérie. Ça montre comment aujourd'hui ces équipes sont bien organisées. Aujourd'hui, ils se sont investis et ils veulent l'emporter. La coupe de la CAN, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas encore remporté la coupe. C'est le même cas du côté du Sénégal, qui a été finaliste en 2002, ça fait longtemps. Ils espèrent, avec l'effectif qu'ils ont, ils voient que c'est le moment de l'emporter. Et du côté du Nigeria, eux, ils ont de l'expérience par rapport aux autres. Eux aussi, ils veulent faire un mieux. Pour eux, c'est le moment de remporter cette 32e Coupe d'Afrique. Lors des matchs de poule, la formation de Madagascar a été classée première avec 7 points. Mais cette fois-ci, elle a été éliminée ce jeudi par la Tunisie sur un score de 3-0. Quelle serait la raison de cette... Les Baréas, c'est une des équipes qui a surpris tout le monde et dans le monde footballistique. Je vous rappelle que la Madagascar a été la première équipe à se qualifier lors des éliminatoires. Tous les autres matchs des tours préliminaires et les huitièmes de finale, et les Malgaches se sont bien comportés. Brusquement, le Madagascar a été battu par la Tunisie avec un score lourd de 3-0. Il y a des choses qui expliquent tout cela. D'abord, c'est l'inexpérience. Et autre chose, c'est la fatigue. Parce qu'ils se sont donnés lors des précédentes rencontres, mais arrivés au quart de finale, ils étaient épuisés avec l'inexpérience et la fatigue. Et quelles sont les attentes que les amateurs du Baron pourront avoir lors des matchs de la demi-finale? Les matchs de la demi-finale seront des matchs vraiment très très disputés. Donc c'est leur moment, c'est l'heure de l'emporter. Balen Aviarimana, c'est notre confrère. Il est journaliste sportif. Il suit de près ses compétitions. Place maintenant au reportage de Vestine Boutoui. À la source, reportage. Je vous l'avais dit, Vestine Boutoui se trouve en commune Moussigati de la province Bubanza. Elle nous rapporte qu'une vingtaine de jeunes diplômés chômeurs de la zone Kivyuka ont créé une coopérative de transformation de l'huile de palme. Le capital initial est provenu de leurs propres contributions. Ils affirment qu'actuellement, ils parviennent à satisfaire leurs besoins et à créer de l'emploi. Mais le manque d'eau et d'électricité reste le défi majeur. Et ces jeunes demandent d'être appuyés. Vestine Boutoui, reportage sur place. Je suis un des jeunes de la zone Kivyuka ayant terminé leurs études secondaires, mais sans toutefois avoir la chance de continuer leurs études universitaires ou décrocher de l'emploi, rencontrés sur la colline Kiziba, là où ils ont implanté leur coopérative de transformation de l'huile de palme. Une d'entre eux indique que le manque d'emploi a été leur seule motivation de mettre en place cette coopérative et que leur capital initial est venu de leur contribution par chaque membre. Pour pouvoir mettre en place cette coopérative, nous nous sommes mis ensemble afin de contribuer une petite somme mensuelle parce que nous étions pauvres. À un certain temps, après avoir collecté une somme quelconque, nous avons eu l'idée d'investir dans la transformation de l'huile de palme. Après l'implantation de la dite coopérative, ces jeunes affirment qu'ils ont été appuyés financièrement par le projet Prodéfi. Ces jeunes exaltent les avantages qu'ils tirent de cette coopérative. Ils expriment et qu'ils peuvent facilement satisfaire leurs besoins. De plus, ils avouent qu'ils sont capables d'embaucher d'autres jeunes. Un de ces bénéficiaires des activités de ces jeunes vante de sa vie déjà changée en disant qu'actuellement, il est capable de s'acheter des vêtements, ce qui n'était pas le cas avant. Des défis auxquels ils font face sont l'insuffisance de l'eau et le manque d'électricité. Actuellement, l'eau que nous utilisons est insuffisante, ce qui fait qu'elle peut même tarir pendant la saison sèche. En outre, nous n'avons pas d'électricité, ce qui cause le désordre dans nos activités nocturnes car on est obligé d'utiliser nos téléphones mobiles pour éclairer, ce qui gêne nos clients. Au moment où ces jeunes entrepreneurs demandent aux autorités habilitées une assistance dans leurs activités, le chef de zone équipe du Ouka fait savoir qu'il en a déjà fait le plaidoyer auprès des autorités compétentes afin que leur doléance soit exaucée. Outre les activités entrepreneuriales, ces jeunes mettent également en avant la protection de l'environnement tout en recyclant les déchets provenant de la transformation de l'huile de palme. Vestine Boutoui, reportage sur place à Kivyuka, c'est en Provence. Boubanza, ici se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Placide Niomongere pour la réalisation. Ce journal a été mis en onde par Albert Ndouayo. Au micro, Jean Bosco Nduimana, un bon après-midi.